Samedi 19 mai 2018, dans le cadre du festival L'Histoire à venir, la librairie Ombre Blanche accueillait un labo d'histoire intitulé « Raconter la Révolution » en présence de Anaïs Quin, animatrice et productrice de l'émission « La Fabrique de l'Histoire » sur France Culture, de Antoine Debecq, historien et critique de cinéma, Jean-François Hamel, chercheur en études littéraires à l'UQAM de Montréal, et de Pierre Cerna, historien à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste entre autres des révolutions françaises et atlantiques. Ils sont dissipés les Québécois, hein. Finalement vous êtes très dissipés. Hein. Non, ils essaient de se détendre. Alors en fait, on a perdu quelques minutes parce que je suis allé prendre un café avec Jean-François Hamel, qui vient du Canada spécialement pour ces journées de l'histoire à venir. Bon, n'exagérons pas, mais quand même. Bon, alors, vous êtes un peu vous êtes le seul non-historien de cette assemblée, donc ça vous valait d'être un peu inquiet. De quoi va-t-on parler ? Enfin, je rappelle quand même que nous allons parler d'histoire et d'écriture de l'histoire, puisque c'est aujourd'hui, ce matin, nous ne sommes pas dans humain, non-humain, bien que, je ne sais pas, peut-être arriverez-vous à revenir à ce sujet, mais bon. Vous allez essayer collectivement. Voilà, donc Anaïs Quin qui va animer cette rencontre avec Antoine Debecq, qu'on a l'habitude de voir ici, par exemple, ici même, et à la fois pour la Révolution, pour la marche, pour la traversée des Alpes, beaucoup pour le cinéma quand même, Antoine, hein, et depuis longtemps. Pierre Cerna, qu'on a déjà vu hier et que je suis très heureux de retrouver aujourd'hui. Et donc Jean-François Hamel, qui sera aussi là tout à l'heure à 16h, pour évoquer une figure, je crois, très importante, qui est celle de Maurice Blanchot. Et donc, dans la question, évidemment, de l'écriture, Blanchot en sait quelque chose, elle n'est pas toujours du désastre. Et donc, je vais vous laisser entamer cette conversation sur les révolutions, écrire les révolutions. Et juste avant, quand même, un dernier message réitéré. N'oubliez pas que cette manifestation existe non seulement parce qu'il y a des auteurs et des chercheurs à accueillir, à entendre, parce qu'il y a aussi une administration et une organisation, mais existe parce qu'il y a des finances. Donc n'hésitez pas à mettre de l'argent dans l'urne, ça nous permettra d'avancer dans notre budget et peut-être, je l'espère, d'avoir je l'espère sûrement, d'avoir un numéro 3 l'an prochain de l'Histoire à venir pour pouvoir à nouveau accueillir Anaïs et puis tout cela. Merci à tous les quatre. C'est vous ? C'est moi. On y va. Bonjour à tous. Alors, cette séance, peut-être une petite précision avant de commencer, cette séance qui s'intitule « Raconter la Révolution » sera consacrée en grande partie aux travaux d'écriture, évidemment, mais pas seulement. On va se permettre peut-être de parler de cinéma et d'autres formes de récits, puisqu'on a un historien du cinéma avec nous aussi, quand même. Il faut le dire. Voilà. Peut-être de la façon dont on marche aussi en révolution. Voilà. En marche, les choses en marche. Ça marche plutôt pas mal en ce moment. Et vous dire aussi qu'il ne s'agit pas d'une discussion entre nous quatre. C'est-à-dire qu'on va poser quelques éléments de débat pour commencer. Mais cette séance est un laboratoire, si vous l'avez remarqué dans le programme. Donc l'idée, c'est que très vite, un micro va circuler parmi vous. Et c'est une création collective, c'est une discussion collective qui s'articule beaucoup autour de vos remarques, de vos questions. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez simplement faire une remarque. Voilà, il n'y a pas d'obligation au point d'interrogation non plus. Donc n'hésitez pas à le faire et n'ayez pas peur. Surtout, puisque nous attendons avec impatience ces remarques et ces questions pour avancer avec vous. Alors, raconter la Révolution, c'est le thème qui nous occupe aujourd'hui. Donc, on va parler de décors, de héros, d'anonymes, de cette question toujours un petit peu épineuse peut-être du peuple et des récits des mouvements du peuple, des moments, des événements, des corps, évidemment, de la description de l'ennemi. Et ce qui caractérise ces récits révolutionnaires, c'est toujours un mouvement très, très court, parfois éruptif, avec une densité, une rapidité d'action, bien souvent, qui complique évidemment, le récit, des mouvements antagonistes, concertés ou non, des prises de décision, plus ou moins rapides également, des moments de débat, des moments d'émotion de la collectivité, évidemment, des figures saillantes, encore une fois, des ennemis qu'on décrit, qu'on incarne, qu'on raconte aussi, qu'on se raconte, et beaucoup d'anonymes. Donc, pour cette discussion, nous sommes quatre. J'ai perdu ce que je voulais dire sur vous. Voilà. Donc, je vais me lancer comme ça. Donc, Pierre Cerna, qui est au milieu, qui est un spécialiste de l'histoire révolutionnaire, qui enseigne à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la Révolution française, et récemment également de l'histoire des animaux. Voilà, des travaux salvateurs sur l'histoire des animaux, puisque vous n'essayez pas de penser à la place des bêtes. Et ça fait du bien. Jean-François Hamel, donc déjà stigmatisé en début de séance, hein, qui nous vient de Montréal et qui est chercheur en études littéraires et qui a travaillé sur les questions de narratologie et qui publie cet ouvrage donc, qui sera présenté à 16h, je crois, aussi à la librairie aujourd'hui, sur l'investissement de Maurice Blanchot dans le mouvement de 68, donc un changement de bord plus ou moins radical, vous nous en parlerez, et aussi un travail d'écriture de Blanchot, qui a tenté d'inventer un regard, une langue, une littérature de la Révolution pour relater son expérience. Et à ma gauche, Antoine Debecq, que vous connaissez peut-être, historien, spécialiste de la Révolution française, entre autres. Alors, tu as fait également énormément de recherches sur le cinéma, sur la marche, la randonnée, sur l'humour, et bien d'autres choses que tu mobiliseras, j'imagine, sans complexe dans cette discussion. Voilà. Alors, vous avez remarqué que dans la description de ce laboratoire, il était question d'un tournant des récits révolutionnaires. Donc peut-être pour commencer et poser les termes de cette discussion collective, je vais me tourner vers vous trois et vous demander en quoi, selon vous, y a-t-il un tournant ces dernières années du récit révolutionnaire. On va commencer par Jean-François Hamel, notre minorité du jour, peut-être. Y a-t-il un tournant ? Les historiens pourront le dire. Très certainement, il y a un intérêt renouvelé pour une certaine tradition révolutionnaire et une volonté de raconter à nouveau frais certaines expériences de nature insurrectionnelle ou révolutionnaire. Évidemment, les mouvements sociaux contemporains comme les mouvements sociaux antérieurs se constituent des généalogies, se constituent des filiations, et au-delà de la commémoration de mai 68, il me semble qu'il y a aussi un legs de cette période, des années rouges, pour le dire comme ça, ou des années 68, pour certains mouvements contemporains. On peut penser à un renouveau de l'anarchisme aujourd'hui, avec des figures qui sont devenues, malgré leur anonymat, extraordinairement publiques, comme le Comité Invisible, qui très clairement s'inscrit dans une filiation qui est celle, je dirais, des années 68, avec l'influence situationniste, avec l'influence, avec le renouveau de l'anarchisme dans ces années, en marge du Parti communiste qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, avait été dominant. Donc, il y a, me semble-t-il, une attente. Il y a un désir pour qu'on raconte, en tant qu'historien, ces filiations, puisqu'il y a, pour ces mouvements contemporains, aussi un lectorat qui est bien présent. Pour ma part, je pense qu'il y a s'il y a un renouveau dans l'écriture de la Révolution, du moins pour le XXe siècle français qui m'intéresse, et pour la littérature du XXe siècle français, cela concerne un décentrement par rapport à la question communiste, qui a évidemment tout au long du XXe siècle été centrale, et raconté les moments insurrectionnels, les émeutes, les révoltes du XXe siècle. C'est aujourd'hui, 20-30 ans après la chute du mur de Berlin, il y a une possibilité qui s'ouvre de raconter hors du grand récit communiste. Alors, pour parler comme Enzo Traverso, il y a une mélancolie de la gauche qui est redécouverte aujourd'hui, écrit et qui, me semble-t-il, nous amène comme historiens à redécouvrir des mouvements un peu plus marginaux, des courants de pensée qui étaient un peu à part et un peu minorés, me semble-t-il. Et qu'est-ce que vous avez lu récemment, Jean-François Hamel, peut-être en dehors de Maurice Blanchot, qui a, j'imagine, occupé beaucoup votre table de nuit, comme récit révolutionnaire? Mais peut-être d'auteurs contemporains, est-ce qu'on décrit encore aujourd'hui les révolutions ? Oui, bien sûr. Il y a Éric Vuillard qui a eu un grand succès. Il y a quelques années, il y avait Pierre Michon qui a écrit un livre extraordinaire, Les Onze. Il y a une prégnance de l'imaginaire révolutionnaire et de la Révolution française dans la littérature d'aujourd'hui encore. Et ça, c'est une tradition ancienne, bien évidemment. C'est une tradition ancienne. Il y a un livre extraordinaire de Laurent Génie, qui est un littéraire, qui s'intitule « Je suis la Révolution » et qui relate la façon dont les écrivains, depuis Victor Hugo, ont non seulement cherché à représenter les événements révolutionnaires, mais ont cherché à comprendre la littérature elle-même depuis le paradigme révolutionnaire. « Je suis ce Danton, je suis ce Robespierre » chez Hugo dans « Réponse à un acte d'accusation ». Jean Paulhan, « La terreur dans les lettres » pour comprendre les mouvements d'avant-garde, au lendemain du surréalisme. Maurice Blanchot, j'y reviens et j'y reviendrai, qui écrit vous en 49... Vous y êtes autorisé. Qui écrit en 49, « Tout écrivain qui, en écrivant, ne pense pas « Je suis la Révolution, c'est la Révolution qui me fait écrire », n'écrit pas. » Alors là, au-delà de la représentation des événements, il y a ce tropisme révolutionnaire qui amène écrivains, critiques et théoriciens de la littérature à penser l'historicité de la littérature, les visées de la littérature à partir d'un imaginaire de la Révolution. Et ça donne lieu à toute une histoire de la littérature, à toute une histoire de l'idée de la littérature qui serait nouée à une tradition révolutionnaire. Pierre Cerna. Oui, merci de me donner la parole. J'aimerais, avec votre autorisation, renverser les termes du débat, mais pour suivre, bien sûr, ce que vient de dire Jean-Christophe, en partant d'une expérience littéraire et puis deux expériences plus personnelles. La première expérience littéraire, tout le monde la connaît, c'est bien avant la Révolution, enfin, pour moi, la Révolution avec un R majuscule, la Révolution de 1789. Nous sommes en 1734, donc bien avant la Révolution, et Voltaire fait paraître les lettres philosophiques. À mon avis, c'est une révolution dans l'histoire de la Révolution et dans l'histoire de l'écriture de la Révolution. Voltaire est fasciné par ce qu'il vient de voir en Angleterre à la suite du bouleversement de la société anglaise, à la suite de ce qu'on a appelé la glorieuse révolution de 1688. Et à mon avis, nous sommes au cœur du débat parce qu'en réalité, la révolution n'est pas un récit. C'est exactement ce que vient de dire Jean-Christophe. Donc, c'est cette idée que c'est le récit qui est révolutionnaire. C'est-à-dire que la révolution est, EST, le récit. Voltaire invente une nouvelle manière donc de combattre l'absolutisme en parlant d'une autre révolution pour dénoncer l'absolutisme en France. Donc en fait, je pense que la révolution est l'histoire. C'est pas l'histoire est traversée par des révolutions. La révolution est tout simplement l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire est une science de la rupture, et Voltaire explique en 1734 que la modernité, c'est-à-dire que le temps vient de changer. Alors qu'un temps chrétien va délibérément vers une ligne droite vers le bas jusqu'à un jugement dernier, alors qu'une philosophie héritée du XVIe et du XVIIe siècle retrouvant l'Antiquité est une histoire cyclique, Voltaire dit non, le temps n'est plus ni cyclique ni déceptif, il est optimiste. Et donc l'histoire est une ligne droite qui va vers le haut, et c'est cette révolution qui a bouleverser les régimes d'historicité. Donc, à partir de ce moment-là, en réalité, c'est pas raconter l'histoire de la Révolution. C'est la Révolution permet toute écriture nouvelle en politique. La deuxième expérience est plus personnelle. C'est, en fait, la Révolution, et Antoine le sait bien, à mon avis, c'est pas simplement une invention politique, mais c'est une invention de la langue. Et les révolutionnaires de 1789 ont été fascinés par les néologismes. C'est Louis-Sébastien Mercier qui publie un dictionnaire de la néologie, donc en 1801, une fois l'expérience révolutionnaire terminée. Donc, et on a été fascinés par le fait qu'un nouveau monde se disait avec des nouveaux mots. Et moi, je pense que le défi des historiens, s'ils veulent être historiens de la Révolution, c'est essayer de bricoler des nouveaux mots. En 2005, j'écris un livre qui s'appelle « La République des girouettes ». En 2005, hein, je précise. Et en fait, au fur et à mesure que je travaille sur les girouettes, qui est un personnage connu, un dictionnaire des girouettes qui est fracassant en 1815, je me rends compte qu'il y a un espace invisible que le récit de la Révolution permet de voir, c'est en fait de déconstruire une mythologie d'un combat droite-gauche qui aurait divisé la France depuis 200 ans. Et je vois apparaître un objet invisible, voilà, un point aveugle qui pour moi est fondamental. C'est ce que je vais appeler en 2005 l'extrême centre. C'est-à-dire donc un espace que je définis comme étant l'espace qui fait semblant de radicaliser la droite et la gauche, qui sont toujours bien armés idéologiquement, pour lui dire « je suis ni de droite ni de gauche, mais tout ensemble ». Nous sommes quand même au moment du directoire, au moment de Thermidor, qui permet le transformisme politique, qui permet de mettre en place un deuxième élément dans la langue révolutionnaire, qui est la modération par rapport à la radicalité de la période précédente, je ne vise personne, et qui permet troisièmement, ce qu'on n'a pas entendu donc dans la gauche ou dans le récit de la Révolution, de mettre en place quelque chose qui ne se dit pas, mais qui se fait en acte, qui est le pouvoir exécutif. D'accord ? Donc si on estime que le centre, c'est le transformisme permanent, la langue de la modération et le pouvoir exécutif, j'étais en 2005, ça peut faire penser à d'autres périodes, effectivement. Donc je bricole ce concept d'extrême centre et je me dis, ben voilà, j'ai participé petitement et modestement à une écriture de la Révolution en bricolant ce concept-là. Voilà. Troisième expérience, un petit peu dégoûté par les élites et le discours de la Révolution, je me dis, comment parler de la Révolution avec des gens ou avec des êtres qui n'ont aucune parole, c'est-à-dire fondamentalement les animaux. Et est-ce que les animaux parlent de Révolution? Alors je me dis oui, et pour cela, il faut que je parte à la recherche, que je construise un objet de recherche. Je crois que peu d'historiens ont été intéressés par l'histoire des animaux en Révolution, en me disant s'ils sont moins que les sans-parole et les sans-dents, puisque un sans-culotte, hein, c'était surnommé lui-même sans-dents. Donc, s'ils sont moins que ça, quels sont les stigmates les plus pénalisants de la société qui arrive en Révolution? 1. Le genre, les femmes, le combat des femmes. 2. Bien sûr, l'extrême pauvreté et l'extrême exploitation au travail, les bêtes de somme. Et puis le troisième stigmate, c'est la couleur. Et évidemment, quand on n'est plus esclave, on devient citoyen, mais on reste noir. Et donc, si vous rapprochez ces trois stigmates-là, on est sur le personnage le moins connu de la société française de la fin du XVIIIe siècle, c'est la femme noire esclave. Et juste sous la femme noire esclave, va se construire un discours de médecin très, très important qui va constituer, à animaliser complètement ces nouvelles citoyennes, allant jusque des fantasmes complètement délirants sur l'accouplement d'Africaines avec des singes, pour expliquer justement le retard des Africains. Donc on a là aussi une sorte d'histoire par le silence le plus complet, donc, qui consiste pas à donner la parole, mais qui consiste à mettre les mots sur le non-dit, sur le silence absolu des plus déshérités. Et en parlant des animaux, j'en arrive à la porosité entre humains, non-humains, qui est un des combats, bien sûr, révolutionnaires, puisque à la fin de la décennie, on en arrive à penser les droits des animaux. Donc voilà trois expériences d'écriture, de bricolage, qui fait que j'écris feu et que j'essaie de trouver ces espaces de vide absolu où des mots peuvent se mettre pour dire des expériences limites de la Révolution. Positive, parce que finalement les femmes noires vont avoir le titre de citoyenne sans citoyenneté, et négative, parce qu'on s'approche de la catastrophe racialiste de 1802 qui va rétablir de façon ignominieuse, par ce foutu bougre de Bonaparte, l'esclavage. Antoine Debecq, je voudrais raconter une petite anecdote, puisque donc ce matin je rédigeais mes présentations, voilà, et j'arrive à Antoine, et là une image a surgi immédiatement qui m'a beaucoup fait rire, parce que je crois que c'est l'extrait de film qui m'a le plus fait rire cette année, quand je l'ai vu pour la première fois. C'est Jean-Luc Godard, dans le film Loin du Vietnam, qui est fait en 1967, qui raconte qu'il a proposé au leader nord-vietnamien de venir, d'aller au Vietnam et de construire un cinéma révolutionnaire. et contre-propagandiste dans le cadre de cette guerre, et qui raconte qu'en fait, bah, ils n'ont pas voulu de lui. Alors, il le raconte comme Jean-Luc Godard, donc c'est très drôle. Mais voilà, en dehors de cette blague qui, moi, me fait beaucoup rire, parce que voilà, il faut le voir derrière sa caméra en train de nous raconter ça. Mais c'est il poursuit. Un superbe plan de cinéma. Ah oui, c'est magnifique. Et il poursuit en disant, mais en fait, un plan, ouais. En fait, ma réponse à ça, tant pis, c'est pas grave. Bon, ils veulent pas de moi, c'est pas grave. Mais j'ai trouvé une manière active et plus intéressante, finalement, de parler de Vietnam, c'est de mettre le Vietnam partout. Dans la langue, dans les images, dans chaque plan, y compris quand on ne parle pas directement du Vietnam, je vais mettre du Vietnam partout. Voilà. Je rajoute une petite couche à la question générale que je posais au début pour toi, Antoine. Non, mais on est au cœur du sujet, puisque Godard, dissertant de ses malheurs, en fait, ou de son incompréhension. Il y a beaucoup de déconvenues quand il essaye de participer à une révolution. Ah non, mais personne n'en veut. C'est terrible pour lui. C'est-à-dire qu'il veut absolument en être, et tout le monde soit le repousse, soit l'admire tellement que... Mais pas pour du tout les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il est admiré pour avoir fait À bout de souffle alors qu'il veut être révolutionnaire. Donc, non, c'est... Mais en faisant ça, en s'enregistrant comme ça... derrière la caméra, il fait son film. C'est-à-dire que son film est le récit et la monstration, comme ça, le plan de lui racontant sa déconvenue et transformant cette déconvenue en cette idée, effectivement, d'un deuxième, d'un troisième Vietnam, d'une sorte de généralisation des Vietnams qui est la plus belle métaphore de la révolution mondiale. Revenir sur la Révolution française, toutes les révolutions, absolument, comme Pierre l'a fait. Je pense que la première des choses qu'on peut signaler, c'est l'extraordinaire foisonnement et puissance du récit de la Révolution. Au moment où la révolution se fait. Reprendre ce que disait Pierre, c'est ma première expérience. Moi, j'ai fait une thèse sur la Révolution française dans les années 80. Et mon sujet, c'était précisément cette littérature proliférante qui est une littérature de l'instant qui vise à raconter vraiment sous forme généralement très, très fictionnelle la rupture. On est en 1789, puis c'est une littérature de l'actualité, donc elle ne cesse de suivre le cours de la Révolution, de s'accrocher au cours de la Révolution, et elle met en récit pour un public extrêmement large, puisque cette littérature est proliférante et trouve des manières de se diffuser de façon très large. Elle met en récit l'expérience qui est quand même en bonne partie inédite de la fracture temporelle, de la rupture des temps. Comment on est passé d'un ancien à ce qu'on l'a appelé ancien justement pour cela, à un nouveau régime. Comment est-ce qu'on entre dans un nouveau monde. Et donc ce récit, il est donc proliférant, il est extrêmement fictionnel, d'abord parce que c'est un récit qui vise à captiver, à capturer l'essence, à capturer l'attention. Hein, on est dans un moment aussi qui est un souci pédagogique extrêmement volontariste. C'est aussi un récit qui fait feu de tout bois, hein, qui est un récit totalement hybride, c'est-à-dire qui est prêt à mélanger notamment tous les genres de la fiction à la mode. Donc on va retrouver des monstres, on va retrouver des géants, la fable, on va retrouver le récit biblique, on va retrouver le récit le récit aussi scientifique, on va retrouver aussi des genres qui peuvent être soit le pamphlet, soit le journal, soit la caricature. Voilà, donc on est devant un moment qui, comme le disait Pierre, tout à fait justement, c'est la révolution est un langage. Elle invente un langage. Elle est effectivement fascinée par l'idée des nouveaux mots, des néologismes, et elle invente ce langage pour se dire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même la matrice hein, de tous les récits, au sens où je pense que le travail de beaucoup de... Alors là, on gagne le contemporain, si vous voulez. Hein, le travail de beaucoup d'artistes, d'écrivains d'aujourd'hui, c'est déjà tout simplement de retrouver ce récit. Et moi, j'ai participé à plusieurs expériences comme ça, de mise en récit de la Révolution. Il y a eu des spectacles de théâtre, un magnifique spectacle de Sylvain Creusot qui s'appelle Notre Terreur, des films. Donc là, il y a un film qui va sortir de Pierre Scholler, Un peuple et son roi. Moi, j'avais participé à un travail de Nicolas Klotz qui voulait faire un film sur la Révolution française. À chaque fois, l'idée, c'est de replacer cette écriture ou ce désir de récit dans celui de la Révolution, c'est-à-dire de tout simplement de transmettre, ça c'est le rôle peut-être de l'historien, de transmettre, je dirais, les minutes de ce récit de la Révolution. C'est très concrètement ce qui s'est passé avec Sylvain Creusot sur Notre Terreur. Je crois que Guillaume Mazot a eu la même expérience avec Pomera sur le spectacle de Pomera sur la Révolution. Les minutes, heure par heure, effectivement, voilà. Oui. Donner à l'artiste, donner au comédien le texte révolutionnaire qui était précisément le texte de ce récit de la fracture historique. Donc, et je pense que cette transmission, elle suffit en quelque sorte à faire récit. Ce sont des récits très contemporains. C'est-à-dire qu'on essaye finalement d'intégrer au maximum, y compris les anonymes, dans ces récits-là, finalement, oui. C'est assez récent. Moi, je me souviens, en 1989, j'étais en CM2, mm-hmm. et il fallait absolument, pour célébrer le bicentenaire de la Révolution, jouer des colporteurs. La nouvelle figure héroïque de la Révolution française, c'était les colporteurs. Donc, on jouait tous des colporteurs. Il n'y avait plus de Marie-Antoinette, plus de Louis XVI. Et on allait planter des arbres de la liberté. Voilà c'est ça. Donc, à chaque renouvellement du récit, puisque le récit se renouvelle, on va y chercher d'autres choses en fonction du présent qu'on est en train de vivre lorsqu'on convoque cette Révolution. On sélectionne des figures, des personnages, des décors, des événements. On en efface certains aussi. Absolument, oui. Tout à l'heure, on parlait de ces différents moments. Hugo choisit aussi dans le récit révolutionnaire, hein, mais il y a toujours quand même ce mouvement de retourner au récit révolutionnaire. Ça, c'est même pour 68, je pense que c'est quelque chose qui... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tant d'écrivains... je ne sais pas, quand vous avez Libération le matin, tout ce mois, vous avez un écrivain qui raconte une journée de 68. Bon, ça, c'est vraiment une idée d'aujourd'hui. Ça n'aurait pas été fait il y a 10 ans, ni il y a 20 ans. Il y a 10 ans, c'était plutôt les historiens qui étaient... Et aujourd'hui, c'est les écrivains. On leur propose, on leur demande, c'est presque une injonction d'ailleurs, il faut raconter... 68 et le mais à travers un regard singulier. Voilà, un regard singulier, mais c'est toujours, il y a toujours cette idée d'un retour au récit premier. Alors c'est une idée qui est largement mythique, hein, sûrement, mais ça passe par ce retour. Alors bien sûr, ce retour, il est dicté par un certain nombre de choix qui sont des choix du contemporain. Quand Hugo retournait au récit, c'est pas la même chose que quand, je sais pas, hier c'était Alice Zénitaire qui retournait au récit de la journée du 18 mai 1968. Il y a toujours un choix. Et donc, on peut voir, mais ça, c'est une sorte d'histoire des représentations des représentations de la Révolution. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait sens dans le récit de la Révolution ? C'est pas du tout la même chose que ce qui a pu faire sens, il y a un siècle, ou ne serait-ce qu'il y a 10 ans, ou au moment du bicentenaire. Pierre Cernat-Trépigny, allez-y, je vous en prie. Oui, mais si Antoine me le permet. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a un mot qu'on n'a pas encore employé, mais qui va pas tarder à arriver, c'est le mot futur. C'est-à-dire que je crois que justement les révolutions contemporaines, qui à mon avis commencent avec la révolution anglaise de 1688, puisqu'à mon avis de 1688 aux révolutions du 19e siècle, on rejoue cette invention du citoyen et d'un règlement du citoyen au collectif par la loi. Hein. Je crois que ce qui se joue dans ces récits-là, c'est pas tant l'origine ou c'est pas tant l'inscription dans le présent, c'est un mot qu'a employé Antoine, mais qui est un paradigme complètement retourné et qu'il faut intégrer, c'est que le mythe, c'est le futur. Jusqu'à 1688, le récit s'inscrit dans une temporalité qui fait que le passé est magnifié, ou le passé, c'est merveilleux, ou le passé, ce sont les Grecs, les Spartiates, ou une sorte d'âge d'or. Avec les révolutions du monde contemporain, l'homme, la femme, le citoyen sont nus face à la construction d'un mythe qui est retourné, c'est-à-dire que le mythe n'est plus l'origine, le mythe est le futur. C'est-à-dire qu'il y a une construction d'un horizon d'idéalité qu'il faut atteindre. Et ça, c'est le pasteur, c'est pas pour rien que j'insiste là-dessus, le pasteur protestant Rabaud Saint-Étienne, qui est le premier à écrire une histoire volumineuse, hein, j'allais dire une vraie histoire, pas un pamphlet ou pas un article, dès 1790 de la Révolution, une histoire de la Révolution en 1790 tout à fait épaisse, dans laquelle il dit, l'introduction c'est du passé faisons table rase. Ça veut dire que 1789 est le début de l'histoire, mais cette histoire n'a de sens que parce qu'elle projette le futur. C'est-à-dire que cette histoire construit les modalités, en fait, de régénérer le présent. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la façon dont on va construire le futur. Et je crois que ce qui est passionnant pour moi, c'est toujours en tant que plutôt avocat de la Révolution, je l'avoue, hein, j'aime bien la Révolution. Hein. Je crois beaucoup à Alphonse Allard. Pour bien faire l'histoire de la Révolution, il faut l'aimer. C'est critiquable, mais c'est ma position. Mais en même temps, je n'oublie pas la contre-révolution, qui écrit beaucoup d'histoires de la Révolution. Et un de mes livres de chevet est « Les paysans » de Balzac. Pure fiction, donc, il mène de 1830, qu'il ne verra pas publié, donc il sera publié de son posthume dans les années 50, en 1853 ou 54, si je me trompe pas. Et il a une phrase absolument extraordinaire, Balzac, dans cette fiction, hein, que sont les paysans de l'après-révolution par rapport aux nouveaux notables. Il dit « La révolution, c'est l'impossible qui est advenu. La monarchie, c'est le réalisable qui ne sera plus possible. » C'est extraordinaire, parce que cet impossible advenu est désormais le fait que la fiction fait partie du réel, dans le rêve qu'on a donné à n'importe quel paysan qu'il pouvait être l'égal de son propriétaire. Alors que l'ordre ancien, qui pourtant est restauré après 1815, ne fonctionne pas. Donc il y a là, en fait, une sorte de futur permanent dans cette révolution qui est, à mon avis, ce récit-là qui intrigue, bien sûr, un passé retourné, idéal, et un présent à construire en permanence. Voilà. Jean-François Hamel, puisque vous avez travaillé sur un auteur récemment, Maurice Blanchot, quelles sont justement les questions qu'il va se poser pour établir une véritable charte littéraire de 68? Ben, je reviendrai à la question de la révolution comme récit, qui me semble en effet centrale. C'est un modèle d'intelligibilité, la révolution, pour comprendre aussi le présent. Et Blanchot, qui réfléchissait sous l'influence de la philosophie hégélienne de Kojève à la terreur depuis très longtemps. Il y a déjà un long parcours politique en 68, Blanchot. Ouais. Ouais, on peut le dire. Oui, on peut le dire, mais voilà, c'est peut-être une autre question, le parcours politique de Blanchot pour l'instant. Hein, mais parce que ça nous explique quand même aussi l'épaisseur de ses références, et des références parfois contradictoires qu'il va essayer de remettre en ordre à ce moment-là. Bien avant. Ce que nous ne disons pas, mais que je vais dire, c'est que Blanchot, dans les années 30, a écrit comme éditorialiste, comme publiciste dans des journaux d'extrême droite. Il n'avait pas encore publié son premier roman, il n'avait pas encore publié son premier ouvrage critique, il ne s'était pas, pour le dire ainsi, converti à la littérature. Et il représentera, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, une figure d'écrivain passablement éthéré que l'on associera à une forme tardive de l'art pour l'art, une littérature autonome. Et pourtant, ce même Blanchot, qui est le grand opposant de Sartre à la Libération dans la querelle sur la littérature engagée en 68, donc se lance, saute dans la mêlée et à la lumière d'un engagement déjà qui date d'une dizaine d'années, depuis le retour du général de Gaulle, investit le camp des insurgés et justement cherche à penser une écriture et non pas une littérature, une écriture qui serait en phase avec l'insurrection en cours. Et je dis bien qu'il refuse la littérature. Blanchot fait grève de la littérature. On est là dans un contexte anti-autoritaire où les figures d'intellectuels sont remises en cause très sévèrement. Godard, le plus con des Suisses pro-chinois, disait-on à l'époque. Alors, il ne fallait pas être intellectuel et il ne fallait pas jouer de l'autorité de sa signature. Et pour Blanchot, la littérature est associée à la signature de l'écrivain et l'engagement de l'écrivain est toujours un engagement sous la forme, sous la figure de l'intellectuel. Alors, Blanchot veut rompre avec cela. Et ce qu'il cherche, donc, se situe du côté de l'écriture et non de la littérature, à ses yeux, et il nomme ce qu'il recherche un communisme d'écriture. Il en parle aussi comme d'une parole plurielle. Alors, ce qu'il cherche à faire, c'est de se mettre au service de ce que Michel de Certeau, après d'autres, a appelé la prise de parole de 68. Penser les conditions de possibilité d'une parole pluriel, véritablement pluriel, non pas sous le mode d'une parole unifiée, mais vraiment d'une parole plurielle, c'est-à-dire hétérogène, marquée par des dissensions, marquée par une forme de conflictualité. Alors on a, parmi les amis les plus proches de Blanchot, Marguerite Duras, Dionis Mascolo, une volonté donc de se fondre dans le mouvement, et ces écrivains, ces intellectuels fondent le comité d'action étudiants-écrivains, où pendant des semaines, ils écrivent ensemble, à plusieurs mains, des tracts, des communiqués, des affiches qu'ils vont placarder sur les murs, les palissades de Paris. Et dans l'un de ces textes, qui est à mon avis l'un des plus beaux textes, et je reviens là à la question des régimes d'historicité, Blanchot a cette formule, c'est un texte anonyme, mais que l'on a pu attribuer tardivement à Blanchot, « La révolution est derrière nous ». La révolution a eu lieu. Évidemment, on pourrait discuter longuement à savoir si mai est une révolution. Je dirais pour ma part plutôt non, puisqu'il n'y a pas d'institution nouvelle qui pérennise la révolte ou qui opère la conversion juridique, institutionnelle du soulèvement. Mais pour Blanchot, la révolution est derrière nous, ça signifie nous devons vivre dans l'après-coup de la rupture. Nous devons être fidèles à ce qu'il appelle l'ébranlement de la rupture. Et mon sentiment, c'est un sentiment plus qu'une véritable hypothèse, c'est que déjà en 68, la question, le nouage de la révolution et du futur s'était fissuré. On veut penser la révolution au présent, comme intensification du présent plutôt que comme projection dans une société à venir. Et cette formule, la révolution est derrière nous, évidemment, ne nous renvoie pas à l'historia magistra vitae, selon laquelle le passé est garant de la venir, c'est au contraire une façon de dire qu'il faut d'ores et déjà vivre comme si la révolution était advenue parce qu'elle est advenue. La révolution est une forme de vie qui se décline au présent. Il s'agit de vivre aujourd'hui conformément à ce que Blanchot appelle l'exigence communiste. Et alors, il y a un rapport au temps qui se transforme. Évidemment, c'est là chez Blanchot, mais c'est là, je pense, chez les situationnistes de la même façon. C'est là dans plusieurs des mouvements, et notamment dans le mouvement du 22 mars, où à la grande réalisation sans cesse différée, à la patience exigée par les organisations révolutionnaires, se substitue la volonté de parler, d'écrire, de vivre dans la révolution, dès maintenant. Ce n'est pas tout à fait un présentisme, mais c'est une façon d'intensifier le présent et de remettre en question le primat de l'avenir. Alors, j'ai l'impression que vos deux camarades ont très envie de réagir, donc je vais vous laisser réagir. Ouais. Mais ensuite, justement, nous allons explorer les conditions de possibilité. Absolument. du présent. D'une parole plurielle, véritablement. Voilà. Antoine. Je voulais juste témoigner de, par rapport à ce que vous venez de dire, d'un lieu qui a été quand même assez, je trouve, à la fois beau et dérisoire, évidemment, de cette parole. C'est la Tribune libre de l'Odéon, qui a été ce lieu en 68, donc pendant un mois. Ça dure quand même beaucoup plus longtemps qu'on pense généralement. Hein, et d'ailleurs, mois. On a très peu d'archives audiovisuelles. Oui, audiovisuelles, mais on a les minutes de ce qui s'est dit à l'Odéon. Et c'est quelque et on n'a de... pas le ton, on n'a pas la tessiture de ces voilà, mois, donc et là, on est vraiment devant ce laboratoire, cette expérience comme ça de la parole, de la prise de parole. Hein, un micro au milieu de la scène et tout le monde, n'importe qui, pouvait venir parler, se raconter et raconter, évidemment, à travers son récit, qui est souvent un récit personnel. Est-ce qu'on arrive à savoir si véritablement tout le monde et n'importe qui s'est permis de le faire ? Absolument, oui, on a les minutes quand même de façon assez précise hein, qui ont été réunies dès le moment par un des témoins qui s'appelle Patrick Ravignan. On a en tout cas une bonne idée de ce qui s'est dit. Hein, et donc moi j'ai eu cette expérience personnelle de vouloir refaire cela hein, comme une sorte de performance historique hein, sur la scène de l'Odéon. C'était la semaine dernière, le 7 mai, où j'avais mis en scène justement cette prise de parole et comme un récit à la fois de résurgence de l'archive, hein, très, très concrètement, de ces minutes, et en même temps aussi comme une sorte de fiction, hein, justement. Donc je commençais à parler comme un professeur sur ma petite table, faisant une conférence sur ce qui s'est passé à l'Odéon 68, et puis tout avec d'un coup... Avec des étudiants qui arrivaient et qui frappaient à la porte de l'Odéon. Alors, avec insistance. Alors, c'est l'histoire au présent qui s'invite, et c'est très bien. Mais avant cela, il y a eu, à l'intérieur même de la salle, il y avait une quinzaine de comédiens qui, tout d'un coup, se sont levés dans les premiers rangs pour, justement, venir monter sur scène... transporter le professeur sur sa chaise en coulisses. Hein, donc, évacué de l'histoire, de la scène de l'histoire. J'étais le passé, tout d'un coup. Et puis, le présent s'est installé, ces 15 comédiens. Le texte à la main, hein, c'était très important de faire voir l'archive, hein, les minutes, et qui ont dit pendant une bonne heure un des extraits de ce qu'il s'est dit à cette Tribune libre de l'Odéon, c'est-à-dire des prises de parole qui étaient parfois totalement inattendues. Hein, quelqu'un qui je suis policier, je suis CRS, donc évidemment ça déclenche une sorte d'émeute presque dans la salle, et puis qui s'explique, etc. Je suis chrétienne, et pourquoi est-ce que ce qui se passe en ce moment me touche en tant que chrétienne, etc. Donc ces récits. Et puis bon, effectivement, au bout d'un certain temps, l'histoire rattrape cela avec à la porte de l'Odéon les étudiants qui veulent rentrer. Qui ne rentreront pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, c'est-à-dire si on les laisse rentrer, on refait. C'est sous forme un peu dérisoire aussi. Ils étaient 50, donc c'est pas tout à fait la prise de l'Odéon. Mais on refait, et Stéphane Braunschweig, qui dirige l'Odéon actuellement, se transforme en Jean-Louis Barrault, qui dirigeait en laissant rentrer les étudiants, donc en faisant, en laissant les CRS venir les déloger quelques heures ou voire quelques jours plus tard. Tout ça se rejoue, cette histoire se rejoue. Donc comment est-ce qu'on improvise un autre récit, on va dire, de 68 sur la scène, comme ça, avec le public. Bon, c'était une soirée assez, assez mémorable. En tout cas, où cette question de comment raconter la rupture, comment raconter l'expérience du présent de la Révolution, était, d'une certaine façon... remise en une sorte de performance historique. Et je dirais, d'une certaine façon, c'est toujours ce qui se rejoue dans le rapport qu'on peut avoir au texte du récit révolutionnaire. Hein. C'est toujours une sorte de performance, de présentisme, en quelque sorte, de cela qui se rejoue à tant de distance de l'événement qu'on peut imaginer. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours... Et donc, on est toujours menacé parce que... Marx appelait le retour de l'histoire sous forme de farce. Hein. Voilà, l'histoire se rejoue, mais elle revient sous une autre forme qui est celle de la farce. Mais on peut dire d'une certaine manière ça déjà du récit de la Révolution, qui est à la fois, comme l'a dit Pierre très justement, c'est une idée de ce... On est dans la rupture, on bâtit une société du futur, mais en même temps... Toutes les références, tout ce qu'on dit, ça vient du passé, et on rejoue au présent le passé, les révolutions du passé. Donc on est aussi dans quelque chose qui est de l'ordre d'un registre de la fiction qui peut être la farce, qui peut être la tragédie, qui peut être la comédie. Enfin bon, c'est quelque chose qui est très présent dans le débat. Pierre Cernat, et ensuite parole plurielle. Oui. On avait promis. Un seul mot justement pour sortir de ce piège de la farce, de la comédie, du rejeu et du théâtre. 1774, Marat écrit à Londres Les chaînes de l'esclavage. Pendant 3 semaines, jour et nuit, il dit qu'il en a failli mourir. Il ressort malade pour une vingtaine de jours. Il n'a fait que boire du café. Et le café à l'époque, c'est pas le beau café que l'on boit aujourd'hui. Il écrit Les chaînes de l'esclavage. C'est un pamphlet contre la corruption électorale en Angleterre, où il explique que toute révolution qui se termine par la construction d'un pouvoir n'est plus une révolution. Nous sommes en 1774. Et Marat propose le concept d'insurrection permanente. Moi, je laisse la parole à la salle en disant que peut-être que le mot, le bon mot, n'est pas révolution, mais insurrection. Et donc, Marat pense en 1774, hein, le terme, donc avec l'adjectif insurrection permanente. Le texte est republié au moment où la France devient pour la première fois une république en 1792. Marat, qui n'est pas la caricature que l'on propose ici et là, est un homme qui dit « la révolution en soi n'est rien, ce qui compte c'est l'insurrection pacifique ou violente ». Pacifique ou violente, mais permanente. Merci. Madame, bonjour. Merci, c'est très très riche. J'aurais beaucoup de commentaires à faire parce que j'ai fait la révolution. Mais à Limoges, alors je veux déjà faire une remarque. Quand on parle de la révolution de 68, ça me fait rire. Je suis un peu d'accord avec vous, complètement d'accord, même si sur Blanchot, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Bon, alors ceci dit, je voudrais parler de la langue, parce que je suis linguiste, je voudrais parler de la langue et de la révolution. Vous avez cité un texte que je ne connais pas, mais que je vais m'empresser de lire. Mais vous avez cité les paysans de Balzac. Et Karl Marx disait, il faut lire tout Balzac pour comprendre l'histoire. Hein, d'accord ? Bien sûr. Il est incontournable et malheureusement, je n'ai pas lu Les Paysans. Mais dans Eugénie Grandet, il montre comment le père Grandet vient à s'enrichir justement après la Révolution. Pour la langue, je voulais encore revenir à ce que vous avez dit de l'esclavage à la fin de l'an. Et le texte, que vous connaissez sûrement parce qu'il est magnifique, malheureusement, il n'a pas pu le terminer, c'est le roman du nègre de Pierre le Grand, écrit par Pouchkine, bien sûr, son descendant. Oui. Malheureusement, il n'est pas terminé, mais quand on voit ça, c'est révolutionnaire, non ? Alors peut-être plutôt que le terme révolution, je propose qu'on s'intéresse aussi au terme d'insurrection, raconter l'insurrection, ce qui permet peut-être aussi d'ouvrir un peu plus largement le spectre des commentaires et des questions. Est-ce que vous avez une question ? Un commentaire ? Bonjour, je voulais revenir sur justement les mots de Marat que vous avez cité à la fin de la conférence. Quand il parle d'insurrection permanente, est-ce que d'un autre côté, si on le met en parallèle avec ce qui s'est passé en mai 68, il y a, alors révolution ou pas, je ne sais pas, mais par exemple, la construction des comités d'action, c'est aussi une forme de construction d'institutions. Est-ce que c'est des institutions de pouvoir ou pas? Et du coup, est-ce que ça met fin à un processus révolutionnaire ou est-ce que ça ne fait que l'enclencher? Ce serait ma question, si on suit la lecture de Marat. Oui, bon, là, voilà, je vais essayer de répondre rapidement en tant qu'historien. Je vais essayer de donner une réponse qui, j'espère, ne sera pas comprise comme déceptive, mais au contraire comme étant ce que je crois comprendre du concept d'insurrection permanente, qui peut être une insurrection pacifique. Hein. Une fois de plus, un étudiant de Tim Tackett a travaillé sur 650 manifestations populaire entre 1789 et 1792, moins de 50 sont violentes. D'accord ? Donc l'idée héritée, la foule est une bête, la foule est violente, c'est faux. Il y a des formes d'autonomisation, il y a des formes de maturation, des formes de construction civique, citoyenne, de prise de parole, d'occupation de l'espace de la rue, qui peuvent être parfaitement pacifiques. Donc en fait, ce que je crois, c'est qu'il y a des moments dans l'histoire, des momentum dans l'histoire, où ce que je crois comprendre de votre question, et qui me passionne moi, c'est qu'est-ce que la démocratie directe ? Hein, fondamentalement, qu'est-ce que la démocratie directe ? C'est-à-dire, jusqu'à quel niveau de micro-géographie de la rue, de l'immeuble là, de l'espace des espaces de la librairie Ombre Blanche, on est encore dans des formes humaines de contrôle, de l'autonomisation, de l'action politique pour soi-même et ses proches. C'est ça que je crois comprendre de votre question. C'est ça, à mon avis, le fait révolutionnaire. C'est rarissime dans l'histoire. C'est rarissime dans l'histoire, donc, d'approcher ces moments-là. Pourquoi ? Parce que je pense, avec l'historien Richard Cobb, qui avait travaillé avec Albert Soboul sur les sans-culottes et Georges Rudet sur la foule révolutionnaire, alors c'est là que vous allez peut-être me trouver déceptif, que à la fin, c'est toujours les mêmes qui gagnent. À la fin, c'est toujours les coquins thermidoriens qui gagnent. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter ou qu'il faut perdre l'espoir, voilà. Mais vous avez raison. Moi, je pense qu'il y a des moments dans l'histoire où ce que j'appelle la résistance permanente, une résistance permanente qui cherche quel est le bon lieu géospatialement, humainement investissable pour construire une autonomie au ras du sol. Et après, il y a toute une sorte de pollution qui s'appelle la technostructure, tout simplement, et que Foucault a très bien vu. Dès qu'il y a un rouage de délégation de pouvoir, Foucault et Rousseau, voilà, on est immédiatement sur une forme pervertie de l'insurrection. Et on est sur un récit révolutionnaire qui consiste à dire « on va vous expliquer, nous, ce qu'est la bonne révolution ». Hein ? Donc c'est pas tant, c'est constamment ce jeu de tension entre un micro-pouvoir qui est la démocratie et le fantôme de Thermidor, hein, qui menace en permanence les insurrections qui constituent la dynamique de ce que vous posez très justement comme question. Dès le 15 juillet 1789, l'ambassadeur des États-Unis à Paris, gouverneur Morris, écrit au nouveau président George Washington, la révolution est finie. Il lui écrit, la révolution est finie. C'est ouf. Bon, ça va. Maintenant, c'est fini. Ils ont pris la Bastille, c'est fini. Non, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie parce que, justement, un horizon d'idéalité nouveau vient de s'inventer. Une autre question. J'espère avoir répondu non, à votre question. Oui, non, pardon, excusez-moi, Jean-François. Je tiens à parler pour dire que Pierre Cerna a déjà tout dit. Vous m'excuserez. Les comités d'action sont en effet des expériences de démocratie directe. Et l'enjeu est évidemment celle de l'autonomie politique. Quand on parle de mai, on revient toujours avec la figure des groupuscules, cette forme d'organisation liée à l'extrême gauche. Mais au fond, la forme politique la plus pittoresque, la plus typique de mai, c'est la forme du comité d'action. Dans la seule seule région parisienne, à la fin de mai, le comité de coordination des CA recensait 450 comités d'action. Et évidemment, il y en avait, bien sûr, bien au-delà de Paris. Mais les comités d'action, précisément, luttent contre toutes les formes de délégation de la parole et contre toutes les formes de délégation du pouvoir. En théorie. En théorie. Du coup, ces comités d'action se trouvent aussi face à un paradoxe, parce qu'ils veulent incarner, dans les termes de la Révolution française, un pouvoir constituant. Ils représentent l'irruption du peuple sur la scène politique, du moins c'est ainsi qu'ils conçoivent leur propre action, mais ils refusent de se convertir en pouvoir constitué. Il s'agit de rester comme pouvoir constituant sans s'institutionnaliser. C'est un paradoxe que, justement, Blanchot cherche à penser dans les formes, sous le terme d'un pouvoir de refus, qui serait celui d'un refus du pouvoir. Mais du coup, il est extraordinairement difficile de pérenniser la révolte, de prolonger l'insurrection. On risque là de tomber dans une conception instantanée, spontanéiste de l'insurrection, qui ne parvient pas à se doter d'un avenir, même d'un avenir prochain. Mais les comités d'action, en effet, sont exemplaires de ce qu'Hannah Arendt appelait le trésor perdu des révolutions, c'est-à-dire ces lieux d'expérimentation de la démocratie directe que toujours le pouvoir d'État, tôt ou tard, réprime et fait disparaître. Alors, pour reprendre peut-être cet exemple des comités d'action, ce qu'on voit bien, notamment au moment de mai 68, si on prend l'exemple du comité d'action des Beaux-Arts, c'est aussi un début d'insurrection dans l'insurrection, c'est-à-dire un comité d'action qui reproduit un ordre social où les femmes ont très peu de responsabilités et de prise de parole au sein du comité d'action. Le comité d'action qui est devenu célèbre et fameux parce que c'est celui qui a élu toutes ces affiches que vous connaissez, affiches magnifiques, et qui efface une fois encore les femmes, enfin qui ne les efface pas, parce qu'elles sont elles sont déjà peu saillantes, et qui va s'épuiser aussi du fait de ce moment de bascule aussi, où finalement les femmes commencent à en avoir un petit peu marre d'être en dehors du processus révolutionnaire systématiquement. Antoine, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, on peut parler de ça. C'est vrai que la notion de peuple, c'est la notion de peuple et la notion d'action. Cette notion, elle est accaparée par la virilité du pouvoir, enfin de l'insurrection en cours. Ça, c'est il y a le même phénomène pendant la Révolution française et en 68, c'est éclatant. Tous les militants, c'est un côté très machiste, hein, dans cette sorte d'accaparement de l'action par et puis les femmes sont renvoyées ce sont les amantes, il y a un côté comme ça. Alors moi je voulais réagir sur ce qui a été dit dans la salle et sur j'appellerais ça la profonde mélancolie de l'insurrection et de la révolution, hein, cette idée que d'une forme d'épuisement qui peut survenir assez vite et en tout cas qui surviendra à tout coup, hein, cette idée d'un destin, d'une fatalité de l'échec de la révolution et de l'insurrection. Bah, c'est-à-dire que la révolution, d'un point de vue littéraire et romantique même, est parfaite. C'est-à-dire qu'on a une dramatisation bien souvent très facile à repérer, une exaspération, une explosion, éventuellement une victoire ou une défaite. La question des récits des lendemains révolutionnaires, le moment où on installe la révolution, où on réforme une société avec ses principes révolutionnaires, là c'est un autre récit. Voilà, on rentre dans le récit désespérant de l'échec de l'insurrection, de l'institution ou du travail à faire, tout simplement. Oui, mais on est devant ce récit-là qui est qui est un récit aussi qui s'incarne par l'épuisement des corps, hein. C'est quelque chose qui est très très sensible dans le récit de la révolution, par exemple, cette idée que on a vécu en quelques jours l'équivalent de quelques décennies, voire de quelques siècles, et que c'est c'est une cette accélération de l'histoire qui a été celle de la révolution, de la rupture, de l'insurrection, c'est en même temps quelque chose qui est impossible à maintenir et qui épuise et donc voilà l'épuisement des révolutionnaires, l'épuisement des insurgés, hein, c'est un thème qui rattrape le récit révolutionnaire et qui prélude évidemment à l'arrivée des thermidoriens. Pierre Cernat n'est pas du tout d'accord. Pierre Cernat va parler. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me faire des signes même pendant les prises de parole, comme ça je vous repère et je vous fais passer le micro ensuite. Non, je suis pas du tout d'accord avec mon très cher ami Tiff, puisque je joue le rôle de Tondu dans l'affaire. Donc, c'est une pure construction, l'épuisement du révolutionnaire. C'est une pure construction rhétorique. Dans les journaux que je connais bien, puisque mon défi, c'est ne pas arrêter la décapitation, la révolution, mais continuer avec ceux qui sont le peuple, l'histoire de la révolution à faire. Dans tous les journaux thermidoriens, donc, il y a une antienne qui revient en permanence. Le peuple est là, L-A-S, le peuple est fatigué et le peuple demande à se reposer après ces 5 années et après le 18 Brumaire. Donc là, ça a atteint un discours qui atteint donc des semi-élites, des seconds couteaux de la Révolution. Oui, parce induit un désir d'ordre, oui, parce que l'ordre c'est le repos. Bien sûr, l'ordre, c'est le repos. Et donc, nous avons en fait tout un discours sur... c'est la citation donc, que Antoine redonnait de tête, c'est Roederer qui dit, en 10 ans, nous avons vécu l'équivalent d'un siècle. Et donc, c'est aussi... bien sûr, donc toute la rhétorique donc de cette jeunesse qui arrivera dans les années 1820 et qui se dira mais damned, dans l'histoire de l'humanité, on aurait pu naître 20 ans avant, Musset, Confession d'un enfant du siècle, qui commence par l'ennui. On s'emmerde en 1820 quand on a 20 ans, c'est l'enfer. On aurait pu avoir 20 ans en 1800, on aurait été officier d'Empire, ou 20 ans en 1789, on aurait été député. Heureusement, les Grecs vont inventer une guerre d'indépendance qui va en occuper quelques-uns quand même. Oui, tout à fait. Et même les Espagnols, et même les Siciliens, dont on parle pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien on écrit l'histoire des révolutions avec ces sources-là, et donc tout le monde est fatigué ou on s'ennuie, ou bien on peut faire une autre révolution. Parlons des femmes. Au mois de mai 1793, se constitue un club, le club des révolutionnaires républicaines. Alors ça, c'est quelque chose quand même, hein, révolutionnaire républicaine. Il va exister jusqu'au 30 octobre 1793, jusqu'à ce qu'un député jacobin, Amar, dise « on en a marre des femmes dans l'espace public ». Interdiction pour les femmes de se constituer en club. Donc ce ne sont pas des contre-révolutionnaires, hein, c'est un homme du comité de sûreté générale qui interdit le club des révolutionnaires républicaines. Alors voilà, est-ce qu'on fait une histoire de ça en disant, ben voilà, les femmes ont été brimées, et elles ont été brimées, elles ont été opprimées, ou est-ce qu'on fait l'histoire des vraies femmes, c'est-à-dire celles qui ont été vraiment brimées et opprimées, et c'est pas parce qu'on leur dit de se taire qu'elles vont se taire. Donc, quelles sont les sources que l'on utilise? Et là, j'en reviens à un livre qui est paru il y a 2 ans, qui est pour moi un vrai chef-d'œuvre et qui continue de répondre à votre question. Le livre de Maurizio Gribaudi sur l'histoire de la classe ouvrière disparue de 1795 à 1830. Parce que si vous y réfléchissez bien, où est passé le peuple de Paris entre 1795 et 1830? On se dit, mais alors, le peuple a disparu après la répression terrible des journées de Prairial en 3 mai 1795 jusqu'à 1830. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le peuple se repose? Est-ce qu'il ne fait rien? Ben non. Maurizio Gribaudi met en place une base de données extrêmement technique qui part de l'opposé de l'objet de l'histoire du peuple. Moi, j'aime bien ce genre de méthodologie, qui travaille sur le cadastre de la division des biens nationaux qui ont été vendus à Paris entre 1795 et qui ont été revendus, reparcellisés, remodélisés jusqu'en 1830. Qu'est-ce qu'il montre? Qu'il y a une extrême divisibilité de l'espace parisien, de telle sorte que ces ouvriers ont compris la leçon. Bon, ça va, si on est dans l'espace public, si on essaie de prendre la parole des honnêtes gens, des gens de bien, des propriétaires et des notables, on en prendra plein la gueule et on ne pourra jamais s'exprimer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont construire la République des immeubles. Dans les immeubles va se constituer ce que déteste l'ouvrier, c'est-à-dire le salariat, Chaque ouvrier est un homme libre. Et il offre justement sa compétence et son travail d'artisan comme étant une forme libre de son expression de travailleur. Et chaque immeuble fonctionne comme une petite république qui n'a pas besoin d'une police, qui n'a pas besoin du regard extérieur des autorités pour réguler le travail. Il y a des gens plus riches, il y a des gens moins riches, il y a des gens plus compétents, il y a des gens moins compétents, mais on a là, par un travail sur le cadastre, en fait, la découverte d'une vérité politique, c'est que chaque immeuble était constitué en petite république. Et donc, disparaît du radar des sources, plus de délinquance, les inspecteurs se demandent, mais est-ce qu'ils sont politisés, est-ce qu'ils ne sont pas politisés? Ben oui, bien sûr, mais ils sont autonomisés. C'est fou, Pierre Cernat, parce qu'on retrouve toujours quand même le même dispositif, c'est-à-dire une révolution qui épuise ses forces en partie, oui. Et du coup, un choix immédiat dans la période qui suit, de l'alternative, oui. Plutôt que de la révolution globale. Oui, bien sûr, c'est aussi le très beau livre de Michel Rio-Sarcey, La République souterraine. C'est-à-dire qu'on peut faire une histoire heureuse de la globalisation en disant, oh, c'est super, on a eu du café et du sucre, on peut faire une autre histoire au travers de la résistance. Pardon ? On quitte l'insurrection, mais on ne quitte pas la maturité politique du peuple. C'est une autre manière de pour le peuple d'exister et de prendre du pouvoir. Mais et d'expérimenter aussi, d'expérimenter des principes révolutionnaires. Et sur la base du renoncement à l'insurrection. Oui, parce que le grand historien Hippie Thompson l'a montré, on ne s'insurge jamais par bonheur, on ne s'insurge jamais par romantisme, on ne s'insurge jamais pour un lendemain. On s'insurge parce qu'on est en colère, parce qu'on crève de faim, littéralement, ou parce qu'on est dans une situation où on trouve que c'est injuste, et où on prend le risque de prendre des coups, on prend le risque parfois de mourir. Donc l'insurrection est l'arme ultime de désespoir ou de colère ou d'injustice. Sinon, il y a une alternative qui est celle-là et qui est tout à fait surprenante et tout à fait édifiante. Jean-François Hamel. Il y a un micro qui arrive. Pour aller tout à fait dans votre sens, je me suis intéressée à l'abbé Sicard, qui est de la Haute-Garonne, un janséniste que vous connaissez sûrement parce qu'il est, venu après l'abbé de l'Épée, etc. Donc, cet abbé comme abbé, les femmes, les abbés, hein, bon, il était sur la charrette et il devait aller se faire couper la tête. Et à ce moment-là, de son quartier, il y a un monsieur qui dit, à l'époque on ne devait pas dire camarade, il dit, je le connais cet abbé, pas du tout, il s'occupe des sourds-muets, il ne faut surtout pas lui couper la tête, il fait un boulot formidable. Et il a été sauvé comme ça. Jean-François Hamel, vous vouliez intervenir? Oui, c'est anecdotique, mais je pensais à une image de Cartier-Bresson, à une photographie prise aux Beaux-Arts qui revient sur des choses qui ont été dites, parce que je crois qu'il y a un épuisement des corps au moment de l'insurrection. Ça fait partie de ce que j'appellerais aussi une histoire sensible de l'engagement révolutionnaire. Et cette image de Cartier-Bresson, elle est extraordinaire. On voit les affiches sur un pan de mur à l'École des Beaux-Arts. C'est à la fin du mois de mai. À l'avant, il y a un fauteuil et il semble n'y avoir personne dans l'image. Et tout à coup, on voit deux jambes. Il y a une jeune fille qui est repliée sur le fauteuil qui nous est cachée. Cette image, elle me semble intéressante d'abord parce qu'elle évoque un épuisement réel. La jeune fille avait sans doute tiré des affiches toute la nuit. Et elle est symptomatique aussi d'une relative invisibilisation des femmes. Et aux Beaux-Arts et dans le mouvement, je pense qu'il y avait tout de même dans cette prise de parole une distribution qui n'était pas parfaitement égalitaire. C'est une des seules photos où on voit des femmes, effectivement, et elles dorment. Et elles sont crevées. Voilà, les passionnariats. Entre les deux, rien ne se passe. Les tricoteuses. Les tricoteuses. Oui. Y a-t-il d'autres formes de révolution qu'une révolution bourgeoise ou la révolution du capital, du bouleversement perpétuel des rapports de production? Quand les institutions célèbrent mai 68, quand les classes dirigeantes écrivent des livres qui s'appellent « Révolution », appelle la jeunesse à ne pas respecter les règles, est-ce que la seule forme de rupture, la seule forme de révolte qui ne reste pas à la jeunesse pour s'opposer à ses pairs, ça n'est pas d'être réactionnaire? Est-ce que la rupture aujourd'hui, ça n'est pas génération identitaire? Voilà, c'est... Alors, Bon. Ah non, non, c'est une question vraiment, vraiment pas... Moi, je suis assez heureuse que cette question arrive. Oui, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Bien que, pour celui que vous citez, ce ne sont que des bullshit, bien sûr. Donc, en fait, je crois que c'est très bien, parce que il y a un livre dont on a peu parlé il y a quelques années, qui était un livre d'un collègue de l'Université de Rennes, Roger Dupuis, qui s'appelait « La politique du peuple ». Et c'était en fait « Qu'est-ce qu'un populisme avant le populisme ?» Et donc, bien avant hein, tout le débat qu'il y a eu l'année dernière au moment de l'élection présidentielle. Donc, revenant en fait, et je vais rester sur ce que je connais hein, pour ne pas être engagé par vous sur un terrain glissant, mais en même temps assumant complètement la qualité de votre question. Tout le travail de Roger Dupuis, c'est de travailler sur la paysannerie qu'on va appeler vendéenne, qui n'existe pas à ce moment-là, donc la paysannerie de l'ouest de la France et la paysannerie bretonne. Et de montrer comment cette paysannerie donc, s'engage complètement dans les idées révolutionnaire de 1789, et puis au fur et à mesure, en 1790, elle voit l'arnaque que constitue la vente des biens nationaux auxquels elle peut participer, et elle voit en fait une nouvelle reconstruction d'une nouvelle autorité depuis cette révolution qui est complètement bien pire que ce qu'elle vivait dans les relations plus ou moins bonasses avec son seigneur et les relations de ferveur catholique que ces communautés paysannes pouvaient avoir avec leur curé. Et là-dessus arrive la guerre et la levée des hommes. Alors là, c'est impossible pour ces paysans de participer. L'impôt, la guerre, on leur enlève leur curé, c'est impossible. Ils deviennent contre-révolutionnaire. Mais, et là, on est dans votre problématique, je crois, comment aborder cette histoire de la Vendée ou du soulèvement contre-révolutionnaire dans la Révolution ? Et là, je crois qu'on a une vraie question, c'est-à-dire que, je ne sais pas s'ils sont réactionnaires, c'est une pure invention de la Convention qui ne comprend pas du tout, qui ne comprend rien à ce qui se passe, qui leur envoie le stigmate de contre-révolutionnaire. Les nobles arrivent quelques semaines après. Au départ, c'est une vraie insurrection du peuple contre le gouvernement tel qu'il s'est construit de la Révolution. Donc c'est une contestation, mais à l'intérieur de la Révolution. C'est une contestation, une insurrection à l'intérieur de la Révolution qui renvoie à cela. Est-ce qu'elle est réactionnaire ? Je ne le crois pas du tout. Je crois que c'est une pure invention des conventions de se dire... Alors évidemment, donc, après, ils sont aidés par les Anglais, ça devient une guerre civile. Est-ce qu'elle est réactionnaire ? Je ne le crois pas du tout. Ce sont des gens qui restent peuple dans leur détermination, qui ne veulent pas aller à la guerre, qui ne veulent pas payer des impôts, qui ne veulent pas du pouvoir des bourgeois des villes de Nantes, d'Angers, du Mans, qui ont acheté des terres qu'ils pensaient pouvoir avoir. Donc, moi, il me semble que la réaction identitaire est une réaction qui demeure, à la base, révolutionnaire. Qui demeure révolutionnaire. Et elle est immédiatement reprise par d'autres élites qui les utilisent, évidemment, comme un contre-pouvoir qu'ils transforment comme un pouvoir réactionnaire. Donc, je pense qu'il y a là toute une autre lecture à faire. Et je crois qu'à Toulouse, Valérie Sotocasa a magnifiquement montré et donc, comment en fait, les révoltes des paysans, même protestants dans les Cévennes ou dans l'arrière-pays toulousain, relèvent toujours d'une injustice sociale. Et c'est les gens en place qui leur disent « Mais vous êtes des réactionnaires, vous êtes dans la réaction. » Mais eux, le sont-ils vraiment ? Je ne le crois pas. Est-ce que ça vous va ? Ouais. Y a-t-il une autre question ? Oui. Je voulais revenir sur l'épuisement d'une insurrection. Moi, je serais plutôt d'accord avec Pierre Sarnat, en fait, puisque... Alors, vous allez me dire, je suis bloqué sur mai 68, c'est juste que... en désaccord. Hein. Oui. c'est simplement que ce terme d'épuisement... C'est simplement que ce terme d'épuisement, c'est la façon dont il est utilisé, évidemment. Mais que l'épuisement soit réellement ressenti par ceux qui se sont insurgés et qui ont fait la révolution, je crois que c'est... On est sur cela. Mais... Alors, on a créé un événement. Une sorte d'insurrection des verts. On verra si on l'intègre dans le récit de cette journée ou pas, mais on va continuer à vous répondre quand même. Et donc, pour continuer, merci de votre réponse. Par rapport à cet épuisement-là, si on regarde mai 68, par exemple, après les accords de Grenelle, en juin, il y a encore de l'agitation. Il y a des gens qui ne veulent pas retourner à l'usine. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la conclusion que les pouvoirs, que ce soit ceux des syndicats, puis il y a encore des manifestations de l'État, à la rentrée, ont négocié entre eux, au-dessus d'eux, ont décidé pour eux, en fait. Donc, c'est par le haut que se clôt mai 68, mais pas par la base, je crois. Et pour revenir sur ce qui venait d'être dit... Mais cette jeune femme qui est un peu emblématique de ça, hein, j'y retournerai jamais dans cette tôle du film aux usines Vendère. Certes, elle n'y est jamais retournée, mais elle a quitté l'histoire au sens où quand Hervé Leroux essaye de la retrouver dans son film Reprise, il ne la retrouvera jamais. Mais elle est vraiment partie. Mais elle est vraiment partie. Effectivement, elle n'est jamais retournée dans la tôle. Mais est-ce que elle n'est pas non plus Elle a aussi quitté l'histoire. C'est ça que je veux dire. Et pour finir, je finis. Oh, oui. À mon avis, il y a aussi ce qui se pose et là, le dialogue sur la Vendée fait écho également à ça. C'est la reprise. Parle du discours, la reprise en main du discours sur la révolution par les pouvoirs. Et il me semble que toute révolution a tendance, enfin souvent, peut-être je ne les connais pas toutes, hein, malheureusement, mais se termine souvent comme ça. On étouffe la parole de la base, hein, du peuple qui entre en révolution ou en insurrection, et ensuite les pouvoirs, au bout d'un moment, façonnent un petit peu les angles de cette révolution pour en faire quelque chose d'acceptable dans une société d'après-révolution. Oui, moi je suis complètement d'accord avec vous. Et bon, pardon, ce n'est pas une opposition, mais ami, si tu tombes, un autre prend ta place. Cette femme est peut-être sortie de l'histoire. D'abord, je ne le crois pas, elle a vécu sûrement son histoire. Voilà, et c'est déjà très bien, je l'espère pour elle, d'abord, et d'un. Et de deux, moi je ne crois pas à l'illusion protagoniste, on continue dans l'histoire parce qu'on est connu. Voilà, parce qu'on reste comme un personnage. Je crois au contraire. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'épuisement, bon, ben d'accord, on est fatigué. Il faut voir que les gars travaillent entre 18 et 19 heures sur 24. Les députés du comité de salut public, du comité général, vous savez, il y a des moyens à l'époque, hein, pour lutter contre la fatigue. Les gars sont tous chargés. Hein. On n'a pas encore écrit une histoire des produits chimiques, des cafés, des drogues qui servent à tenir le coup pendant la Révolution française. L'alcool, des éléments comme ça. Ce qui appelle d'ailleurs Brissot à dire « Ne prenons pas de grandes décisions pendant les nuits, parce que c'est la preuve qu'ils ne sont pas tous frais. » Donc c'est déjà un problème très matériel qui se pose. Brissot dit après 22 heures, discutons, mais ne votons pas. Donc c'est la preuve quand même. On a cette conscience là. D'ailleurs, ils vivent comme des adolescents. Je travaille sur les archives parlementaires. Ils vivent comme des adolescents, c'est-à-dire que comme des geeks, ils terminent de travailler vers 4 heures du matin, et là ils roupillent jusqu'à midi, quoi. Les débuts des séances, c'est vers 11h, 11h30, on ne fait que lire les pétitions. Les débats commencent vraiment à 2h, parce que les gars ont roupillé, quoi. Donc les matinées, ça n'existe pas pour un révolutionnaire. Les petits matins, tout ça, ben justement, les petits matins, on dort. Ce que je veux dire par rapport à ce non-épuisement et la construction de cet épuisement, le grand paradigme médical, donc on parle du corps et de la régénération du corps. Au début de la Révolution, c'est le vitalisme. Et c'est l'organicisme tel que le médecin Pierre-Louis Cabanis, médecin de Mirabeau, va le porter. C'est-à-dire que l'ensemble du corps humain est en fait tout aussi important, de telle sorte que tous les membres sont importants. Et vous voyez bien quelle métaphore il peut se jouer entre la non-hiérarchisation des membres du corps. C'est la pensée du vitalisme, et donc la pensée aussi d'une nouvelle diététique républicaine. Quand on est fatigué, on mange, on boit, et donc il y a toute une réflexion sur la diététique du bon républicain. En 1799, Cabanis est prié de fermer sa bouche, parce qu'un nouveau paradigme médical va apparaître. Un paradigme ancien qui revient, qui est celui de c'est le cerveau qu'il faut nourrir. C'est les sciences de la tête qui sont importantes. C'est la tête qui va commander et le corps, lui, doit se reposer. De telle sorte que ce sont les gens qui sont assis, littéralement, hein, les fonctionnaires, les nouveaux agents de l'État, qui doivent travailler au bureau, qui doivent mener les affaires de l'État. C'est écrit par des médecins qui sont désormais en première ligne, alors que les médecins vitalistes, les médecins organicistes n'ont plus voix au chapitre. Ils n'ont plus voix au chapitre. Et puisqu'on parlait de l'abbé Sicard, c'est toute l'histoire également donc de Victor de l'Aveyron et de son médecin qui finalement n'arrivera pas justement à imposer l'idée que l'enfant Victor est un enfant qu'on pourrait éduquer justement. Donc on a là des constructions qui idéologiques sur ce qu'est la science aussi, au service de la démonstration d'un épuisement du peuple. Ce sera la dernière intervention. Oui, excusez-moi. Mais comment peut-on expliquer, alors, d'après le livre de Starobinsky, 1788, la France mourait de faim? Oui. Et comment ont-ils eu cette force pour faire la révolution? La France a faim. La France meurt pas de faim. La France a faim. Et la France, y a une forme de colère, justement, qui fait que, bon, vous savez, c'est Michel Perrault, c'est E.P. Thompson qui ont travaillé sur les deux profondes logiques de soulèvement ou insurrective. Soit on se soulève parce qu'on mange bien et donc parce qu'on est en colère et on est dans un déficit de liberté, soit on se soulève parce qu'on a faim justement et on peut plus faire autrement. Donc là, il y a deux logiques qui sont interférentes et convergentes d'ailleurs en 1788-1789. Merci beaucoup. Malheureusement, il faut qu'on s'arrête. La journée commence bien. N'oubliez pas de vous nourrir, donc c'est important pour s'insurger. Vous pouvez retrouver Antoine Debecq cet après-midi. Le cinéma, écriture à venir de l'histoire. Hein, voilà, évidemment, ça n'est pas terminé. Cet après-midi aussi, Jean-François Hamel ici même à propos de son ouvrage. Voilà. Mais alors, je pensais plutôt à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est la réédition du texte des textes de Blanchot et on parlera de, enfin on, vous, moi je serai pas là, mais vous parlerez de cet ouvrage-là. Et Pierre, demain, et demain une conférence sur la révolution a-t-elle inventé le droit des animaux. Voilà. Et ce soir, vous quand même, vous apparaissez quelque part. Non, non, demain. Non, ça c'est demain. C'est demain au Théâtre de la Garonne. Et ce soir, on vous voit quelque part. Non. Ce soir, je crois qu'il y a Toulouse, Toulouse-Castres, non? Il y a un Toulouse-Castres. Ça, c'est du sabotage. Merci.